بسم الله الرحمن الرحيم. Les éditions Damage ont le plaisir de vous présenter. Voilà qu'on a l'homosexualité qu'on entend en ce moment, on entend parler de ça. C'est interdit en islam. Nous, on a montré les versets du Coran qui prouvent l'interdiction de cette chose. On a montré beaucoup de hadiths qui montrent l'interdiction de cette chose. Et les paroles de Sahaba qui montrent l'interdiction de cette chose. On a dit que tous les ulama ils sont d'accord pour dire que celui qui fait cet acte, eh ben, il mérite une peine. Donc tout ça, ça prouve l'interdiction de cet acte qui est l'homosexualité. Les éditions de Damage ont le plaisir de vous présenter. Inna al-lut idha mata min ghayri tawbatin fa innahu yumsakhu fi qabrihi khinzira. Si l'homosexuel meurt sans se repentir, qu'est-ce qui lui arrivera? Allah subhanahu wa ta'ala le transformera en cochon dans sa tombe. Les éditions de Damage ont le plaisir de vous présenter. Et nous, avant de commencer, on dit à ces gens-là, na'am, à ces gens-là qui sont des ennemis d'Islam, à ces gens-là qui veulent faire du mal à l'Islam, sachez qu'à chaque fois que vous essayerez de salir l'Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il fera venir des gens qui sont sincères et qui viendront pour montrer la propreté d'Islam et pour montrer la sagesse de l'Islam. Et à chaque fois que vous essayerez de faire du mal à l'Islam, Allah, il va faire repousser votre mal. Car Allah, il est avec les mu'minin. Allah, il est avec les gens sincères. Wallahu mawlana wa la mawla lakum. Fanahnu. Et beaucoup de muslimoun, on ne va pas se taire devant le munkar. Et on ne va pas se taire devant le mensonge. Car, antum, vous essayez de ramener les gens vers l'enfer. Et vous essayez de ramener les gens vers le châtiment d'Allah. Amma les musulmans, amma les gens sincères qu'ils appellent à l'islam, ils essayent de ramener les gens vers le paradis. Ils essayent de ramener les gens vers la réussite et vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un cours donné par le frère Sofiane ibn Abdel Hamid al-Jazairi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi-Dammaj au Yémen. Nous demandons à Allah azza wa jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, on va parler du danger et de l'interdiction de l'homosexualité en islam. Et parmi les choses sur lesquelles il n'y a aucun doute et aucune divergence entre les musulmans, c'est que le Coran, c'est la parole d'Allah. Et le Coran, c'est la meilleure des paroles. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait toujours, quand il faisait khutbat al-jumu'ah, comme c'est venu dans le hadith d'Ibn Mas'ud, khayrul kalam kalam Allah. Et c'est venu une riwaya, asdaqul kalam, asdaqul hadith kalam Allah. Donc ce hadith, il prouve que la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah. Et cette parole, elle a été révélée, descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des prophètes. Dans ce livre, dans ce Coran, Allah il nous ordonne de faire que des choses qui sont bonnes pour nous et qui sont bien pour l'humanité. Et dans ce livre, Allah il nous interdit de faire des mauvaises choses. Ça, par exemple, dans ce Coran, Allah il nous interdit de faire le shirk, hein, l'association. Et il nous ordonne de l'adorer seul. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et dans ce Coran, Allah nous ordonne d'être bon avec nos parents, d'être sage avec nos parents. Et il nous interdit d'être ingrat, dur envers nos parents. Et dans ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne d'être véridique. Et il nous interdit d'être menteur, de mentir. Dans ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'être généreux, d'aider les pauvres, les nécessiteux, les personnes faibles, et nous interdit d'être égoïstes. Dans ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte les histoires des peuples qu'ils ont vécu avant nous. Et il nous montre le chemin à suivre. Ces peuples qu'ils ont réussi sur terre et qu'ils ont acquis l'amour d'Allah et la satisfaction d'Allah. Tout ça pour nous encourager et pour nous motiver à faire le bien. Et dans ce Coran, Allah, il nous raconte aussi les histoires des peuples qu'ils ont désobéi aux ordres d'Allah. Des peuples mécréants, les peuples outranciers, criminels, polythéistes, orgueilleux, qu'ils ont désobéi aux ordres d'Allah. Et qu'Allah a châtié, exterminé, après que la vérité leur est venue, et après que les prophètes leur ont montré le chemin du paradis. Mais ces gens-là, ils ont refusé de suivre ces chemins. Donc Allah, il les a exterminés, et les a châtiés. Et parmi ces gens-là, Al-Kuffar, bien plutôt parmi ces gens-là, Al-Yahoud wa Al-Nasara, les Juifs et les Chrétiens. Wa kadhalik Al-Malahid, les athées. Et dans ce Coran, Allah il nous dit que ces gens-là, c'est-à-dire les gens du mal, que ce soit les Kuffar, Al-Yahoud wa Al-Nasara, wa Al-Malahid, ils détestent l'islam. Ils détestent la religion d'Allah. Ils détestent ceux qui suivent la religion d'Allah. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون وقال الله جل وعلا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله ويقول الله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ويقول الله جل وعلا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Donc dans ces versets, Allah, il nous parle des ennemis d'Islam. Et il nous dit que ces gens-là, ils veulent égarer les musulmans. Il nous dit que ces gens-là, ils veulent égarer les musulmans. Et ils sont jaloux des musulmans. Muslimoun, musulman, c'est nahnu, on dit muslimoun, ça veut dire ce que certaines personnes disent musulman. Car le mot musulman, c'est pas une traduction bonne du terme muslim. Car le mot musulman, ça veut dire vraiment soumis. C'est pour ça que moi je dis musulman. Lakin, certaines personnes disent musulman. Donc des fois je vais dire musulman, des fois je vais dire musulman, ça veut dire la même chose. Même si le terme musulman, il est mieux que le terme musulman. Car musulman, ça veut dire soumis. Tayyib, donc ces gens-là, ils sont jaloux des musulmans. Et quand un bien touche l'islam ou bien les musulmans, les kofars, ils sont mécontents. Et quand un mal touche l'islam et les musulmans, et bien les kofars, ils sont contents. Hada, ça s'appelle shamata. Hada, en arabe, on appelle ça shamata. Et dans ces versets, Allah il nous dit que si les musulmans, ils patientent, ils endurent et ils craignent Allah, et bien leur manigance, c'est-à-dire les manigances des kuffars, leur fera aucun tort, leur causera aucun tort. Donc, on voit dans ces versets, et on voit dans le Coran que les mécréants, ils veulent ruser contre l'islam et les musulmans. Et ça, c'est la parole d'Allah dans ces versets. Et ces kofars, ils ont différentes méthodes pour attaquer l'islam. Hein, ils ont différentes façons pour s'attaquer à l'islam et s'attaquer aux musulmans. Après leur film qu'ils ont fait, le film anti-islam qui a été fait pour essayer de salir l'islam, et pour essayer de frapper l'islam, les ennemis, ils ont vu que ça n'a pas marché. Ils ont vu qu'à cause de leur film, beaucoup de musulmans, ils se sont plus intéressés à l'islam. Et beaucoup de kuffar, ils se sont intéressés à l'islam et ils ont vu que l'islam, c'était vraiment la religion de la vérité. Donc les kuffar, ils ont réfléchi. Et ils ont eu une autre idée. C'est quoi cette idée? Cette idée, c'est de faire du mal à l'islam, salir l'islam, perturber l'islam, en utilisant pour cela des musulmans. En utilisant pour cela des musulmans. Comme ça, aucune personne ne peut dire, regardez ce qu'ils font. Aucune personne ne pourra dire, regardez ce qu'ils font les kuffars. Ils vont dire, non, c'est pas des kuffars. Nous, on n'est pas des kuffars. C'est des musulmans qui font ça. Ils vont dire, c'est des musulmans qui font ça. Regardez, il s'appelle Mohammed. Regardez, il lit le Coran. Regardez, il va à la mosquée. Regardez, il a fait le hajj. Regardez, il est né dans un pays musulman. Regardez, c'est un imam qui l'a marié. Wahakada. Tout simplement, pourquoi? Pour essayer de faire du mal à l'islam. Bismi al-islam. Ils veulent faire du mal à l'islam au nom de l'islam. Ils veulent faire du mal aux musulmans et perturber les musulmans en utilisant pour cela des musulmans. Dernièrement, il y a une association des homosexuels, association des homosexuels musulmans. Et cette association, elle a été fondée pour frapper l'islam et pour faire du mal aux musulmans. Même si ceux qui ont fait cette association, qui ont créé cette association, ils se prétendent être musulmans. Cependant, ça ne suffit pas. Hein, ça ne suffit pas de se dire musulman. Car se dire musulman, c'est une chose, et pratiquer l'islam, c'en est une autre. Car celui qui lira le Coran, il verra que beaucoup de gens, ils ont prétendu être musulmans, être croyants. يقول الله جل وعلا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Allah dans ces versets, il nous dit que beaucoup de personnes, ils disent avec leur langue ce qu'ils n'ont pas dans leur cœur. Et ça c'est qui? C'est le munafiqin qui prétendent être musulmans alors qu'en vérité c'est des kuffars. Et qu'Allah il va châtier encore plus que les kuffars. C'est pour ça que Allah dit innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Les munafiqins, ils seront tout en dessous de l'enfer. Et ces gens-là, ils prétendent être musulmans. Et Allah dans le Coran, dans sourate Al-Baqarah, il nous dit aussi qu'il y avait certaines personnes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam que quand ils rencontraient les musulmans, qu'est-ce qu'ils disaient? Quand ils rencontraient les croyants, ils disaient وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Allah nous dit que ces gens-là, les munafiqins, les hypocrites, quand ils rencontraient des musulmans, quand ils rencontraient les muslimines, ils disaient نَحْنُ, ou bien quand ils rencontraient les croyants, ils disaient نَحْنُ, on est des croyants comme vous. Et quand ils se retrouvaient seuls avec leurs shayatin, إِمَّا شَيَاطِينَ الْإِنْسَ أَوْ شَيَاطِينَ الْجِنِّ. Alors c'est soit les shayatins parmi les êtres humains, ou bien soit les shayatins parmi les djinns. Quand ils se retrouvaient avec leurs shayatins, ils disaient « Nahnu, on est avec vous », c'est-à-dire avec vous dans le coffre. Et on ne fait que se moquer d'eux. « Innama nahnu mustahziyoun ». Donc « Hada », c'est une preuve claire qui montre que ce n'est pas toute personne qui se dit musulman qui est musulman. Car la parole « La ilaha illallah Muhammad Rasulallah » a des conditions. « Qala al-hafid » الحكمي أو قال حافظ الحكمي رحمه الله وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها إلا بنطق حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدل ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Donc cette parole لا إله إلا الله محمد رسول الله a des conditions. Et parmi les conditions c'est la sincérité, la soumission. C'est-à-dire que tu dis cette parole avec soumission. Et parmi ces conditions, c'est le savoir. Tu sais que qu'est-ce que cette parole implique. Donc si une personne dit cette parole sans science, cette parole ne lui sera pas utile. فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Donc il faut savoir qu'est-ce que cette parole implique. Et ces gens-là de l'association qui se prétendent musulmans homosexuels, وَلَعِيَذُ بِاللَّهِ, ils ont une mosquée. Ils ont même un site internet où ils transmettent leur poison. Ils transmettent leur poison, leurs mensonges sur l'islam et sur les muslimines et sur le Coran qui est la parole d'Allah. Et leur chef, le chef de cette association, il a même écrit un livre sur ça, sur l'homosexualité. Il l'a appelé la chair, je ne sais pas quoi. Pour montrer que l'homosexualité est une chose permise en islam. A'udhu billah min al-kadib. Et nous aujourd'hui, inshallah, on va montrer, selon le Coran, selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et selon la parole des sahaba, et selon la parole des ulama, que l'homosexualité est strictement interdite en islam. Et nous, avant de commencer, on dit à ces gens-là, à ces gens-là qui sont des ennemis d'islam, à ces gens-là qui veulent faire du mal à l'islam, sachez qu'à chaque fois que vous essayerez de salir l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il fera venir des gens qui sont sincères et qui viendront pour montrer la propreté de l'islam et pour montrer la sagesse de l'islam. Et à chaque fois que vous essayerez de faire du mal à l'islam, Allah, il va faire repousser votre mal. Car Allah, il est avec les mu'minin. Allah, il est avec les gens sincères. Wallahu maulana wa la maula lakum. Fanahnu. Et beaucoup de muslimoun, on ne va pas se taire devant le munkar. Et on ne va pas se taire devant le mensonge. Car antum, vous essayez de ramener les gens vers l'enfer. Et vous essayez de ramener les gens vers le châtiment d'Allah. Amma les muslimoun, amma les gens sincères qu'ils appellent à l'islam, ils essayent de ramener les gens vers le paradis. Ils essayent de ramener les gens vers la réussite et vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, inshallah, on va commencer à rentrer dans le sujet. Sujet de al-liwat fil islam, l'homosexualité en islam. Tayyib. Donc, nabda. Donc, l'homosexualité en islam, que nous on appelle en arabe al-liwat, c'est un acte qui n'existait pas à l'époque de Adam, hein, du prophète Adam, ni à l'époque de Nuh, ni à l'époque de Hud, ni à l'époque de Saleh. Mais cet acte, c'est-à-dire l'homosexualité, il a apparu à l'époque du prophète Lot. Et Lot, c'est un prophète qui vivait à l'époque de Ibrahim. Hatta certains mufassirin, comme Ibn Kathir, il dit que c'était le neveu de Ibrahim. Et Ibrahim, c'était son oncle. Fahada Lot, il a été envoyé chez un peuple qui faisait cet acte, qui faisait l'homosexualité. C'est pour ça qu'on dit al-liwat en arabe. Et al-liwat, ça vient du mot, yani ça vient du peuple de Lot, et non pas de Lot, du prophète Lot. Non, il a été appelé liwat pour, yani, pour faire allusion à le peuple de Lot. Et Lot, il a été envoyé chez un peuple qu'on appelle Sodome. Sodome, c'était vers la Palestine. Et ce peuple, Hadha Sodome, il faisait cet acte. C'est pour ça que l'acte qu'ils font les homosexuels, on appelle comment? On appelle la sodomie. Ça vient de quel mot? Ça vient de ce mot, Sodome. Sodome. Non. Donc, Lot, il a été envoyé chez ce peuple qui faisait cet acte très mauvais et cet acte pervers. Enfin, il leur a souvent fait des recommandations et conseillé. Allah, il nous parle du conseil que l'autre il a donné à son peuple. Qal Allahu jalla wa ala. Et il parle de Allah, il nous raconte qu'est-ce que l'autre il a dit à son peuple. Qal l'autre: Ata'tuna adh-dhukrana min al-'alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun 'adun. Hadha ce verset est dans sourate Ash-Shu'ara, verset 160. Moi je dis des références car certaines personnes ils prétendent que le Coran, il ne cite pas l'homosexualité, et le Coran, il n'interdit pas l'homosexualité. C'est pour ça que moi, je vais vous citer les versets avec les références. Surat Shu'ara, les poètes, versets 160 jusqu'à 166. L'autre, il a dit à son peuple, accomplissez-vous les actes charnels avec les hommes, et vous délaissez les époux, les épouses que vous avez, les épouses que votre Seigneur vous a créées pour vous. Enfin, l'autre, il leur a fait cette nasiha, ce conseil, en leur disant qu'Allah, il vous a créé des femmes. Donc, si vous voulez faire ce que vous faites, faites-le avec les femmes, d'une façon permise, d'une façon licite. Thumma Allah, il nous dit encore les paroles de l'autre qu'il a dit à son peuple. Qala l'autre, Ata'tuna al-fahishata wa antum tubsirun, a innakum lata'tuna al-rijala shahwatan min duni nisa, bal antum qawmun tajhalun. Thumma ba'da dhalik, L'autre, il leur a dit encore, vous faites cette fahisha, cette perversité avec des hommes, alors que vous voyez ce que vous faites. Hatta c'est vu dans certains athars qui faisaient ça devant les gens en plus. Ils faisaient ça des fois caché et des fois ils faisaient devant les gens. Et ils délaissaient les femmes. Avant le verset, Nuh, il leur a dit, vous êtes un peuple, c'est-à-dire transgresseur. Et dans l'autre verset, il dit quoi ? Innakum qawmun tajhalun. Vous êtes vraiment des ignorants. Vous ignorez vraiment pourquoi Allah vous a créé. Et pourquoi Allah il a créé les hommes. Car Allah il n'a pas créé les hommes pour qu'ils font des rapports avec les hommes. Là, Allah il a créé les hommes pour qu'ils font des rapports avec les femmes. Et les femmes avec les hommes. Wahakada. Il n'a pas créé les femmes pour qu'ils font avec les femmes. Là, Allah il a créé chaque chose sur terre pour une chose précise et pour une sagesse. Allah il a créé Adam et Hawa. Il n'a pas créé deux hommes. Il a créé Adam et Hawa. Pourquoi ? Parce que l'homme, il se reproduit avec la femme. Et la femme, avec l'homme. Et cette chose, elle est maujouda, elle est présente même chez les animaux. Même les plantes. Enfin, les animaux, il y a le mâle et il y a la femelle. Même les insectes, ils ont ça. Même les oiseaux, ils ont ça. Même les poissons, dans l'eau, ils ont cette chose. Mâle, femelle. Et nous, les êtres humains, on a homme, femme. Même les djinns, ils ont ça. Homme, femme. Et Allah, il nous dit encore, en parlant de l'autre, et ce verset que je viens de citer, c'est dans Surat An-Naml. Hein, dans Surat An-Naml. Verset 54. Surat An-Naml, c'est la surat des fourmis. Ata'touna, comme a dit Allah Ta'ala, Ata'touna al-fahisha wa antum tubsirun, a'innakum lata'touna al-rijal, shahwatan min duni nisa, bal antum qawmun tajhalun. Surat An-Naml, verset 54. Et Allah, il nous parle encore de Qawm, l'autre. Il nous dit, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Donc l'autre dit dans ce verset qui est dans sourate Al-Ankabut, la sourate de l'araignée, verset 27, il a dit à son peuple, vous faites cette perversité que aucune personne avant vous l'a fait. Naam, le peuple de l'autre, c'était eux qui ont fait ça, la première fois cette chose. C'est pour ça que certains salafs, parmi les ulama, ils disaient que si Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous aurait pas cité cet acte, jamais on n'aurait pensé qu'un homme il soit attiré par un homme. Donc c'est une chose vraiment, vraiment très très bizarre, qu'un homme il soit attiré par un homme. Voilà que c'est une chose qui s'est passée. Et c'est une chose qui a été interdite. C'est pour ça qu'Allah, il a envoyé l'autre à ce peuple. Et après l'autre, après de nombreux conseils à son peuple de délaisser cet acte qui est l'homosexualité, il leur a dit Ya qawmi, ha'ulai banati, hunna atharu lakum. Il leur a dit, voici mes filles. Mes filles, ils sont pour vous plus purs que les hommes. Lakin, qu'est-ce qu'ils ont répondu à son peuple? Innaka la ta'lamu ma nurid. On dit à l'autre, innaka ta'lamu ma nurid. Tu sais très bien, il y a l'autre ce qu'on veut. Nous, on n'est pas attirés par les femmes. Nous, ce qu'on veut, c'est les hommes. A'udhu billah. Ce qu'ils veulent, c'est les hommes. Et dans ce verset, ya qawm, quand l'autre, il a dit à son peuple, ha'ulai banati, beaucoup de personnes, ils comprennent mal ce verset. L'autre, c'était le prophète de son peuple. Et l'autre, il était âgé. Donc, il était dans... C'était comme un père pour son peuple. Car le prophète... C'est comme un père pour son peuple. C'est pour ça que l'autre il a dit Ha'ulai banati. Il ne veut pas dire ses filles, mais il veut dire les filles du village. Et dans la Bible, plus précisément la Genèse, c'est cité que l'autre il leur a proposé ses filles. C'est-à-dire ses filles de. Yani ses filles à lui directement. Et ça, c'est pas vrai. Hada, c'est une parole qui a été falsifiée, min qibal an-Nasara. Amma nahnu dans le Coran. L'autre, il dit ses filles. Ibn Kathir, l'imam Ibn Kathir, il explique qu'est-ce que ça veut dire ses filles. Il dit que le prophète, il est considéré comme un père chez son peuple. C'est pour ça que, vu qu'il est considéré comme un père, eh ben, les jeunes de son village, c'est comme ses enfants. C'est pour ça que l'autre, il a dit Ha'ulai banati, humna atharu lakum. Et l'autre, il n'avait que deux filles. Il n'avait que deux filles. Et son peuple, deux filles, ça n'aurait pas suffi. Hein, son peuple, ils étaient plus nombreux que deux. Donc ça prouve que ce qui veut dire l'autre ici, c'est les filles du village. Et troisièmement, c'est impossible qu'un prophète qui est envoyé par Allah, il propose des mu'minates, des femmes croyantes, pieuse à des gens pervers. Ça, c'est impossible. Car il est interdit à la femme de se marier avec un kafir. Et c'est interdit à la femme pieuse de se marier avec un homme qui est pervers. Donc impossible, c'est impossible que l'autre il propose ses filles à des gens mauvais. Car ses filles étaient croyantes. Voilà qu'il mourad bihadil aya, ce qui veut dire l'autre, c'est les filles du village. Car beaucoup d'entre eux, ils étaient mariés. Et ils ont délaissé leur femme et ils sont partis faire avec des hommes. Voilà, yadu billah. Et le peuple de Lot, il faisait cet acte, qui est l'homosexualité. Et il ne faisait pas que ça. Il faisait l'homosexualité. Il faisait du shirk. Il faisait de l'injustice aux gens. Il coupait les routes. Walakin, Allah, dans le Coran, il nous parle de cet acte. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose que ils ont pas, c'est la seule chose nouvelle qu'ils ont ramenée. Car les peuples d'avant, que ce soit avant Lot, comme le peuple de Nuh, ils faisaient ça du shirk. Ils faisaient déjà du shirk. Les peuples d'avant, ils faisaient déjà de l'injustice. Et les peuples d'avant, ils faisaient déjà, ils coupaient déjà les routes. Et ils volaient. Voilà. Là, le peuple de Lot, ils avaient une spécificité. Cette spécificité, c'est que c'était des gens qui faisaient l'homosexualité. Qui faisaient al-liwat. Donc c'est pour ça qu'Allah, il nous parle de ces gens-là. Dans le Coran, pour nous mettre en garde. Et nous dire, intabihu, attention à ne pas faire cet acte. Car si vous faites cet acte, vous ressemblez aux kuffar, qu'ils étaient le peuple de Lot. Et après de nombreux conseils, le peuple de Lot, ils ont refusé de croire au message de Lot. Ils ont refusé de suivre la vérité. Donc Allah les a exterminés, les a châtiés, d'un châtiment douloureux. Donc ces versets, ils prouvent que l'homosexualité en islam, c'est strictement interdit. Car si ce ne serait pas interdit, pourquoi Lot, il aurait dit à son peuple de laisser cette chose? Et si ça serait permis, comme le prétendent certains ignorants, et bien le peuple de Lot, ils auront dit à Lot, il y a Lot. Le shirk c'est interdit, le vol c'est interdit, et nous on le fait, mais l'homosexualité c'est permis. Là, non, son peuple n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce que son peuple il savait que cet acte il était interdit. Donc, celui qui dit que le Coran ne cite pas l'interdiction de l'homosexualité, c'est un ignorant. Il ne connaît rien d'islam. Soit il a lu le Coran et il n'a pas compris. Soit c'est un menteur, il n'a jamais lu le Coran et il a menti sur le Coran. Car le Coran, il interdit toute chose mauvaise. Et l'homosexualité, c'est mauvaise, comme on va le montrer dans le dars. Tayyib. Donc ça, c'est des versets qui parlent de l'homosexualité dans le Coran. Et il y a beaucoup de hadiths qui sont venus concernant l'homosexualité. Beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont venus, qui montre l'interdiction de l'homosexualité. Et il faut savoir qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas d'homosexuels. Ça n'existait pas. Les homosexuels n'existaient pas. Et puis après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est apparu certaines personnes qui ont fait cet acte pervers. Mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les homosexuels n'existaient pas. Voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de l'homosexualité pour nous mettre en garde. Comme il nous a parlé de beaucoup de choses qui viendront pour nous mettre en garde et qui n'existaient pas à son époque. Beaucoup de choses, beaucoup de hadiths qui n'existaient pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète nous a cité ces paroles pour nous mettre en garde. Il a été rapporté un hadith dans At-Tirmidhi, selon Ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce hadith il est hasan, comme a dit l'Albani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit: La yanzurullah ila rajulin ata rajulan. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit qu'Allah il regardera pas, yawm al-qiyamah, une personne qui a fait ou bien qui a eu un rapport avec une autre personne, c'est-à-dire un homme qui a eu un rapport avec un homme. Et après il dit: Aw imra'atan fi duburiha. Donc Allah ne regardera pas yawm al-qiyamah deux sortes de personnes. Les homosexuels, un homme qui fait avec un homme, ou bien une femme avec une femme. Et la deuxième sorte de personne, c'est qu'un homme il fait avec une femme, fait duburiha. Yani qui fait la sodomie avec une femme. Et ce hadith est sahih. Ou bien plutôt il est hasan. Hasan al-Albani. Et il a été rapporté aussi dans Musnad de l'imam Ahmed, wa kadhalik al-Hakim. الحديث صحيح صححه الذهبي وكذلك العلامة أحمد شاكر Donc ça, c'est un hadith sahih que je vais vous citer. Car le professeur sallam a dit, dans ce hadith, le professeur sallam, il a dit, لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوتٍ. ثم قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit لعن الله من عمل عمل قوم لوط trois fois. Il a cité cette chose trois fois. Qu'Allah il maudisse celui qui fait l'acte du peuple de Lot. Qu'Allah il maudisse celui qui fait l'acte du peuple de Lot. Qu'Allah il maudisse celui qui fait l'acte du peuple de Lot. Et ce hadith il est sahih. Le prophète, il a maudit celui qui fait l'acte qui faisait le peuple de l'autre. C'est quoi cet acte? C'est l'homosexualité. Car le peuple de l'autre, ils sont connus pour avoir fait l'homosexualité. Quelqu'un pourrait dire non, mais ce que ça veut dire ici dans ce hadith, c'est pas que l'homosexualité, car le peuple de l'autre, il faisait plusieurs choses. Il faisait le shirk, l'association. Il volait, il coupait les routes. Naam, on lui dit, c'est vrai que le peuple de Lot, il faisait ses actes. Cependant, ces actes, ils étaient déjà présents avant le peuple de Lot, comme le peuple de Nuh, comme le peuple de Houd. Pourquoi le prophète, il a précisé l'action ou bien l'acte qui faisait le peuple de Lot dans ce hadith? Tout simplement, car le seul acte qui était spécial, ou bien plutôt spécifique au peuple de Lot, c'est l'homosexualité. C'est pour ça que le prophète, il a dit, La'an Allahu man amila amala qawmi Lot. Qu'Allah, il maudisse celui qui fait l'acte qui a été fait au peuple de l'autre, c'est-à-dire l'homosexualité. Et c'est venu à Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, Ibn Abbas qui était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas qui était parmi les ulama des sahaba. Ibn Abbas était un grand savant parmi les sahaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait du'a pour Ibn Abbas. Il invoque à Allah pour qu'il apprenne la science à Ibn Abbas. Et c'est Allah, il a exaucé le dua du prophète sallam. Allahumma allimhu al-ta'wil. Wa al-ta'wil huna ma'na al-tafsir. Donc Ibn Abbas était parmi les plus grands savants des sahabas. Et il est aussi le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait beaucoup Ibn Abbas. Ibn Abbas, il nous dit, comme ça a été rapporté dans Tirmidhi, et Sheikh al-Albani yuhassinu, ou yusahihu, Sheikh al-Albani yusahihu, قال Ibn Abbas, inna al-Luti, idha mata min ghayri tawbatin, فَإِنَّهُ يُمْسَخُ فِي قَبْرِهِ خِنْزِيرًا. Ibn Abbas il nous dit, إِنَّ الْلُوْطِ, certes l'homosexuel qui meurt sans se repentir. Pourquoi Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu nous dit, si l'homosexuel il meurt sans se repentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'homosexualité c'est interdit. Car si ce ne serait pas interdit, Ibn Abbas n'aurait pas dit il meurt sans se repentir. Mais Ibn Abbas il veut nous montrer que l'homosexualité c'est interdit en islam. Inna al-lawti idha mata min ghayri tawbatin. Si l'homosexuel meurt sans se repentir, qu'est-ce qui lui arrivera? Fa innahu yumsakhu fi qabrihi khinzira. Allah subhanahu wa ta'ala il le transformera en cochon dans sa tombe. Donc ceux qui font l'homosexualité sur terre et qui persistent à faire cet acte et qui se repentent pas à faire cet acte qui est interdit en islam, strictement interdit, c'est quoi leur châtiment? Dans leur tombe, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les transformer en cochons. Et le hadith, il est sahih, comme a dit l'Albani fi Tirmidhi, sahih Tirmidhi. Pourquoi dans ce hadith, il nous dit le cochon? Tout simplement, car le cochon, c'est un animal très très sale. Le cochon, c'est un animal très sale. Même en langue française, quand tu vois quelqu'un sale, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, c'est un cochon. Pourquoi? Parce que le cochon, c'est connu que c'est un animal très sale. Il mange tout ce qui est sale. Donc ici dans ce hadith, Ibn Abbas il nous dit que Allah il va le transformer en cochon. Parce que vu que l'homosexuel c'est une personne sale, qui se reproduit avec un homme, celui qui fait un acte avec un homme, c'est quelqu'un de sale. Car Allah dans ce hadith, il a été comparé avec le khinzir, le cochon. Pourquoi? Parce que le cochon il est sale et l'homosexuel il est sale. C'est pour ça que Allah il va le transformer en cochon. Et même les cochons, ils font pas cet acte. Les cochons, ils font pas la sodomie entre eux. Les cochons, s'ils veulent se reproduire, ils se reproduisent avec la femelle d'entre eux. Mais ils ne se reproduisent pas avec les hommes. Donc nous, si on examine bien ce hadith, avec le waqi', on voit que même les cochons, ils sont mieux qu'eux. Car les cochons, ils ne font pas l'homosexualité. Donc hada, c'est un châtiment douloureux pour la personne qui fait l'homosexualité. Qu'Allah, il va le transformer dans sa tombe en cochon. Et il y a beaucoup de hadiths qui sont venus dans Fihad al-Bab. Hatta l'imam al-Ajurri. L'imam al-Ajurri, il a écrit un livre sur l'homosexualité qu'il a appelé Dam al-Liwat. Il a montré beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouvent l'interdiction de l'homosexualité. Et l'imam al-Dahabi, dans son livre Kitab al-Kaba'ir, le livre des grands péchés, il cite l'homosexualité et il a ramené beaucoup de hadiths et beaucoup de paroles de sahaba qui prouvent l'interdiction de l'homosexualité. Et dans ce livre qui s'appelle Al-Kaba'ir, les grands péchés, l'imam al-Dahabi dit que tous les ulama, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à notre époque, ils sont unanimes pour dire que l'homosexualité est interdite en islam. Et que cet acte et ce péché fait partie des plus grands péchés en islam. Et que celui qui fait cette perversité, qui est l'homosexualité, il mérite le châtiment d'Allah. Et il mérite le châtiment sur terre et sous terre. Donc l'homosexualité, c'est parmi les plus grands péchés en islam. Selon l'unanimité des savants. Ça veut dire quoi l'unanimité? C'est l'ijma'. En arabe, on dit al-ijma'. En français, on dit l'unanimité. Quand on dit l'ijma', ça veut dire qu'il n'y a aucun savant qui a contredit cette parole. Des fois, dans des masail, dans l'ilm, tu vas voir qu'il y a khilaf. C'est-à-dire qu'il y a divergence entre les savants. Et des fois, il y a al-ijma'. Al-ijma', ça veut dire qu'il n'y a pas un savant qui a dit que l'homosexualité s'était permis. Depuis l'époque des sahaba jusqu'à notre époque. Et l'imam al-Shawkani, fait sharh al-Darari, dans son livre qui s'appelle Sharh al-Darari, c'est un livre dans le fiqh. Il dit aussi, l'ijma' de ça, il dit tous les ulama, ils sont unanimes que l'homosexualité, eh ben, c'est interdit en islam. Et c'est un acte qui mérite une peine en islam. Si c'est un acte qui mérite une peine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est interdit. Car jamais il y aura un acte permis qui mérite une peine en islam. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas qu'un homme qui boit de l'eau, il va avoir une peine. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est permis de boire de l'eau. Ça ne se peut pas qu'un homme qui se marie avec une femme, il va avoir une peine. Pourquoi? Parce que de se marier avec une femme, c'est permis. C'est pour ça qu'il n'y a pas de peine en islam. Mais l'homosexualité, il y a une peine en islam. Pourquoi? Parce que c'est interdit. Et l'imam Ibn al-Qayyim, aussi, il ramène l'ijma' des sahaba. Il nous dit que les sahaba, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous d'accord pour dire que l'homosexualité, c'est interdit en islam. Et l'homosexualité, bien plutôt les homosexuels, ils font entre eux ce qu'on appelle la sodomie, wal'iyadu billah. Et cet acte, il est interdit que l'homme il fait avec une femme. Maintenant, il fait le sodomie avec sa femme, qui est sa femme, qui lui est licite. Voilà qu'il cet acte, cette façon d'avoir des rapports, elle est interdite avec la femme. Donc que dire à une personne qui vient et qui nous dit que cet acte, eh ben, il est permis de faire cet acte avec des hommes. C'est interdit de le faire avec une femme. Comment tu veux qu'il soit permis avec l'homme? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à l'homme de voir les parties intimes d'un homme. Hein, c'est interdit qu'un homme il regarde les parties intimes d'un autre homme. Voilà qu'il y a une femme, elle n'a pas le droit de regarder les parties intimes d'une autre femme. Là, les homosexuels, ils se regardent entre eux. Il a chaque, lui pour lui c'est comme sa femme. Et alors c'est interdit. C'est haram. C'est pour ça que les ulama, beaucoup de ulama, ils ont fait la fatwa comme quoi c'est interdit que la femme va au hammam et elle se met nue devant les autres femmes. Ou bien que l'homme il va au hammam, il se met nue devant les autres hommes. Alors c'est interdit en islam. Là il joue, c'est haram. Et les homosexuels, ils font cet acte. Et en islam, c'est interdit que l'homme il dort avec un homme dans un même lit. C'est interdit. Et la femme aussi. Là, il y a chose. Toujours, le prophète nous a dit, faut mettre quelque chose entre vous. Un homme, il dort dans un endroit. L'autre, une autre personne, elle dort à côté de lui. Il met quelque chose entre eux. Une barrière. Même pour les enfants. Même pour les enfants, tu ne dois pas laisser tes enfants dormir dans un même lit. Non, mets un truc entre eux. On ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est le prophète qui doit faire ça. Fadliqou bayna al-madajir, comme a dit le prophète, salam. Différencier entre eux les lits. Ça, pour les enfants, c'est obligé de le faire. Et les enfants, je veux dire, quand ils sont grands, 8 ans, 9 ans, S'ils sont bébés, il faut éviter. Mais ce n'est pas interdit. Amma, s'ils sont grands, c'est interdit. La yajous. Et les homosexuels, ce qui est connu chez eux, c'est qu'ils dorment dans le même lit. Et ça, c'est interdit. C'est la yajous, c'est haram. Et en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit toute personne, tout homme qui ressemble à la femme. On appelle ça le mukhannathin. Et il a maudit toute femme qui ressemble aux hommes. On appelle al-mutarajjilat. Al-mutarajjilat, c'est les femmes qui ressemblent aux hommes, qui veulent ressembler aux hommes. En français, on nous appelle ça, je pense, en langue courante, on dit ça des garçons manqués. Hein, et en français, les hommes qui ressemblent aux femmes, on appelle ça efféminés. Des personnes efféminées. Des hommes efféminés. Cet acte, il est interdit en islam. L'homme, il ne doit pas ressembler à la femme. Que ce soit de la façon de parler, que ce soit la façon de s'habiller, que ce soit la façon de... Yani, toute chose qui ressemble à la femme, c'est interdit. Les homosexuels, ils sont connus pour s'habiller comme les femmes. Ils vont s'habiller en couleur rose, ils vont mettre des boucles d'oreilles, ils vont essayer de parler, une façon de parler comme la femme. C'est interdit. C'est haram. Et les homosexuels, ils font cet acte très pervers qui est la sodomie. Cet acte, c'est un acte prouvé, médicalement parlant, qu'il y a un danger pour la personne qui fait cette chose. Et beaucoup d'homosexuels, ils ont le sida. Ah, ça, c'est connu. Le sida, ça s'attrape en faisant des désobéissances, en faisant des péchés. C'est comme ça que les gens, ils ont le sida. Et la sodomie, ceux qui se font faire la sodomie, souvent, ils ont beaucoup de maladies. Regardez, Allah, quand il nous interdit une chose, c'est que parce que cette chose, il y a du mal. Et même, j'ai lu que certains dans l'actualité, qu'ils veulent même donner le droit aux homosexuels d'adopter des enfants. Et ça risque de rendre fou l'enfant. Car ces gens-là, ils sont fous. Tu t'imagines, s'ils éduquent un enfant, ils vont le rendre fou. Au minimum, l'enfant, s'il n'est pas comme eux, s'il ne sort pas comme eux, il va devenir tolérant. Pour lui, il voit aucun mal à ce qu'un homme il se marie avec un homme. Voilà, c'est vraiment khatib jiddan. Et nous, on parle de l'homosexualité. Parce que ces gens-là, c'est eux qui ont commencé à parler sur nous. C'est eux qui ont dit que l'homosexualité, c'est permis sur l'islam. Et nous, c'est obligé pour nous de répondre à ce mensonge, de répliquer à ces gens. Car eux, ils ont dit que l'homosexualité, ça fait partie de l'islam. Ils ont menti sur Allah. Ils ont menti sur le prophète d'Allah en disant que l'homosexualité c'est permis en islam. C'est un mensonge. Et Allah, il nous parle dans le Coran que les gens qui mentent sur lui, c'est quoi leur châtiment? Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont être en enfer. Par Allah Jalla wa Ala. Wa yawma al-qiyamati tara alladhina kadhabu ala Allahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannam mathwan lil-mutakabbirin alaysa fi jahannam mathwan lil-mutakabbirin. Allah il nous dit que les gens qui mentent sur lui, qui mentent sur Allah, leur châtiment sera l'enfer. Le jour de la résurrection, tu verras les gens qui ont menti sur Allah avec des visages assombris. Car les péchés, ça rend les visages assombris. Et après il dit Allah, alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin, n'est-ce pas en enfer le refuge des orgueilleux? Car ces gens-là, ils sont orgueilleux. Quand tu leur montres la vérité, ils n'acceptent pas la vérité. Quand tu leur montres le haq, ma yakbalouna. Quand tu leur montres le haq, ils n'acceptent pas le haq. Et c'est ça les orgueilleux. Les orgueilleux, c'est celui qui n'accepte pas la vérité. Et c'est celui qui se croit plus savant que les autres. Celui qui se croit mieux que les gens. C'est ça les orgueilleux. Les orgueilleux, c'est ça. Fahaoula, qu'ils n'acceptent pas la vérité et qu'ils mentent sur Allah, et ben leur refuge ce sera l'enfer. Et yawm al-qiyama, ils auront des visages assombris. Et on entend aussi parler des imams femmes. Hein, des imams femmes venus de Los Angeles. A'oudhu billah. Un imam femme, ça n'existe pas. C'est vrai que Aïcha, radiallahu ta'ala anha, elle a déjà dirigé la prière. comme c'est venu dans le hadith, il est dans Abi Daoud, il est sahih. C'est venu aussi à Salama. Salama, c'était la femme du Prophète. Aussi, elle a dirigé la prière. Cependant, diriger la prière et être imam, c'est pas pareil. Et diriger la prière, que Aïcha l'a dirigé la prière, c'était pas dans la mosquée. Et Salama, quand elle a dirigé la prière, c'était pas dans la mosquée. Amma, à notre époque, qu'il y a une femme imam qui vient, qui marie les gens, ça n'existait pas ça. Aïcha a déjà dirigé la prière, mais elle n'a jamais marié des gens. Aïcha a déjà dirigé la prière, elle n'a jamais fait khutbah du mois. Aïcha a déjà dirigé la prière, elle n'a jamais fait imam dans une mosquée. C'est quand elle a dirigé la prière, tu crois que derrière avec qui? Il y avait des femmes derrière, il n'y avait pas d'hommes. Impossible qu'il y avait des hommes, ça ne se peut pas. Là, il y a juste qu'un homme, il prie derrière une femme. S'il y a un homme, c'est lui qui doit faire l'imam et les femmes prient derrière lui. Même si la femme est plus savante que lui, c'est lui qui fait l'imam parce que c'est un homme. Amma, qu'une femme a fait l'imam pour les hommes, ça n'existe pas ça dans l'islam. Si, maintenant, des femmes ils sont en groupe, ils sont rassemblés dans une maison. L'heure de la prière vient. Maintenant, l'heure de Salat al-Isha vient. Est-ce que chacune d'entre elles va faire la prière toute seule? Ou bien il faut en groupe? La base, c'est permis de faire la prière en groupe, car Aïcha l'a déjà fait, Salama l'a déjà fait, comme c'est le hadith d'Abi Daoud. Ils font la prière en groupe, et il y a un seul imam. Et l'imam, ou bien plutôt, celle qui dirige la prière, c'est une femme. Elle se met dans le même rang. Tu vois, quand on fait la prière, l'homme, il se met devant. Et ceux qui prient derrière lui, les prières, ils se mettent derrière. Mais les femmes, non. Les femmes, c'est pas pareil. La femme, elle se met avec les autres femmes dans le même rang. Et elle fait la prière. Et deuxième différence, c'est que la femme ne lève pas sa voix comme les hommes. Elle fait doucement, elle lit doucement. Amma les hommes, ils lèvent la voix. La basse, salat al-subh, wa salat al-maghrib, wa al-isha, ils lèvent la voix. Amma les femmes, non. Ils ne lèvent pas la voix. Donc, de dire qu'une femme imam, ça existe parce que Aïcha, elle a déjà dirigé la prière, ce n'est pas sahih. Jamais tu vas trouver dans les livres de jurisprudence en islam, comme quoi une femme peut être imam. Là, ça se peut pas. Là. Et le professeur Salim nous a dit que la meilleure prière pour la femme, c'est où? C'est chez elle. Et la meilleure prière pour l'homme, c'est où? C'est à la mosquée. Donc la femme, elle ne doit pas faire l'imam. Et ça se peut pas qu'une femme, c'est une imam dans une mosquée, et qu'elle marie les gens, ou bien qu'elle fait la khutbah du jumu'ah. Ça se peut pas. Tayyip, si une femme, elle a ses règles, tu fais comment? Si une femme, elle a ses menstrues, comment elle fait? Si c'est l'imam, elle ne peut pas faire l'imam. Ah, ça prouve que c'est impossible qu'une femme a fait l'imam dans une mosquée. La seule chose, ou le seul cas où il est permis que la femme a dirige la prière, c'est si ils sont chez eux. Mathalan, des femmes, ils sont chez eux, et s'ils sont en groupe, il n'y a pas de problème qu'ils font la prière en groupe, tous ensemble, avec une seule femme qui dirige la prière, comme ça ils s'unissent. Amma, de faire l'imam dans une mosquée, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et Amma, barakallahu fikum. Ils disent aussi que Aïcha radiallahu ta'ala anha, c'était une femme alima, c'était une savante parmi les femmes. Et certains qui prétendent comme quoi la femme peut être imam, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire c'est permis parce que Aïcha radiallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné aux gens. Subhanallah. Aïcha radiallahu anha, premièrement, c'est Umm al-Mu'minin, c'est la mère des croyants. Kadhalikum salam, c'est la mère des croyants. Elle n'enseignait pas à la mosquée. Hada, c'est du kadib. Jamais Aïcha n'a enseigné à la mosquée. Mais les sahaba, ils venaient la voir derrière un hijab, derrière un voile. Alors, il y avait un voile entre Aïcha et la personne qui venait la voir. Ils lui posaient des questions. Maintenant, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait comme ça ou bien il faisait comme ça? Vu qu'Aïcha l'a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle le connaissait. Donc les sahaba, ils voulaient se renseigner sur Aïcha. Bien plutôt, ils voulaient se renseigner sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en questionnant Aïcha. Mais ça ne veut pas dire que Aïcha, c'était l'imam comme un homme imam. Hada, c'est du kadib. Hada, c'est un mensonge fait sur l'islam et ça n'a jamais existé et Inch'Allah, ça n'existera jamais. Et il faut savoir que beaucoup, dans tous les domaines, tu as des charlatans. Hein, parce qu'on entend parler en ce moment du mariage homosexuel en islam. Dans tous les domaines, tu as des charlatans. Dans ce qui est dans la médecine, tu as des charlatans. T'as des gens qui se font prendre pour des médecins alors qu'ils connaissent rien à la médecine. Et ils prennent l'argent des gens. Donc chez les médecins, ça existe les charlatans. Des gens qui se font prendre pour des docteurs, des médecins, alors que ce n'est pas des docteurs. Dans le commerce aussi, ça existe des charlatans. Des gens qui volent les autres et qui arnaquent les autres personnes. Et qui se font prétendre pour être des grands commerçants alors que ce n'est pas des commerçants. Et bien en islam, c'est la même chose. En islam, tu as des gens qui prétendent être imams alors que ce n'est pas des imams, c'est des charlatans. Et ces gens-là, on les voit, ils font des trucs comme ça. Ils vont faire des mariages homosexuels. Il va lui donner, il va te dire, vas-y, donne-moi de l'argent, je te fais un mariage homosexuel. Ouais, c'est permis en islam. Ah, c'est des charlatans. Et eux, ils se font avoir. Et puis, en plus de ça, ils se font avoir et ils savent pas qu'ils se sont fait avoir. C'est pour ça qu'ils vont dire, non, mais c'est permis en islam, les mariages homosexuels, parce que moi, j'ai fait un mariage homosexuel. Tu t'es fait arnaquer. Tu t'as pas fait un mariage homosexuel, tu t'es fait arnaquer. Car le mariage en islam, il a des conditions. Et parmi les conditions, c'est que l'homme, il donne à la femme une dot qu'on appelle al-mahar. Tayyib, si deux hommes ils se marient avec un homme, c'est qui va donner la dot à qui? L'homme, il va donner la dot à qui? Les deux, c'est les hommes. Parmi les conditions du mariage en islam, c'est que la femme, elle a un tuteur. Et si la femme, elle n'a pas de tuteur, le mariage, il est nul. Si un homme, il se marie avec un homme, il est où le tuteur? Ça va être le tuteur de qui? Ça se peut pas. Alors, c'est impossible. فهؤلاء الذين يزعمون أن النكاح اللوطي يجوز فيه في الإسلام هذا كله كذب مختلط مصنوع على الإسلام كل هذا c'est un mensonge. Et celui qui lira les livres de fiqh, comme par exemple Al-Mughni de l'imam Ibn Qudama, qui est considéré comme une véritable encyclopédie en islam, il ne verra pas que ces ulama ils ont cité cette chose, c'est-à-dire le mariage homosexuel. Il n'y a pas de chose citée dans ce cas-là. Et aussi, on entend parler des mosquées homosexuelles. C'est-à-dire qu'ils vont faire des mosquées pour les homosexuels. Toute personne homosexuelle pourra venir dans cette mosquée. Hada, ça fait partie de Ashrat Sa'a. Kathratu al-Kadib wa Kathratu al-Dalal. Comme quoi, des mosquées, ils sont faites par des gens comme ça pour faire du bien à l'islam. Alors qu'en fait, c'est que pour faire du mal à l'islam. Il faut savoir qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des hypocrites, al-munafiqoun. Ces munafiqoun, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, on va faire une mosquée, qu'on appelle Masjid al-Dirar. Hada, cette mosquée, ils l'ont fait pour diviser les musulmans. Et ils ont prétendu qu'ils voulaient faire cette mosquée pour faire du bien à l'islam, pour agrandir, pour faire du bien à l'islam. Et Allah, il a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller dans cette mosquée. Pourquoi? Parce que Masjid al-Dirar, il a été construit pour diviser les musulmans. Et cette mosquée qui va être construite, ou bien je ne sais pas si elle était déjà construite, ou bien si elle était déjà ouverte, elle a été ouverte pour diviser les musulmans. Et celui qui est derrière tout ça, c'est les ennemis de l'islam. Naam. Ceux que tu vois qui parlent, oui, je suis homosexuel, musulman, ah, là, c'est juste des marionnettes. C'est des pions, des marionnettes. Derrière ça, il y a des gens qui les manipulent. Et ces gens-là, c'est des gens qui détestent l'islam. Et comme on a dit tout à l'heure, ils ont vu que c'était plus possible de faire du mal à l'islam directement, donc ils se sont dit, on va faire du mal à l'islam en entrant chez les musulmans. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Celui qui regardera l'histoire, il verra que ça ne date pas d'aujourd'hui. Toutes les sectes que tu vois en islam, beaucoup de sectes, ils ont été inventées, créées par les mécréants pour frapper l'islam. Beaucoup de gens, ils ont fait exprès d'être musulmans pour frapper l'islam. Hein, il rentre chez les musulmans, comme il a fait Al-Jahm. Al-Jahm, alayhi l'anatullah, c'était une personne qui est rentrée. Il a prétendu qu'il était musulman, et en fin de compte, c'était pas un musulman, c'était un kafir, mais il a fait ça pour frapper l'islam. Hakada, Abdullah ibn Saba, c'était un juif. Cette personne, elle a prétendu être musulman pour faire du mal à l'islam. Il a rentré dans l'islam beaucoup de mensonges et beaucoup de contes inventés. Voir qu'à notre époque, tu as des gens qui font des attentats. Quand tu leur dis pourquoi vous faites l'attentat, ils disent c'est pour l'islam. Alors que l'islam, il a interdit de se suicider. Voilà, t'as que l'info, ça comme. Et l'islam, il a interdit de tuer les femmes et les enfants injustement. Il a interdit de tuer n'importe quelle personne injustement, même les hommes. Là, il y a juste que tu tues une personne, même s'il est mécréant, injustement. T'as pas le droit de tuer une personne injustement. Pourtant, ces gens-là, ils font cet acte et ils disent que c'est l'islam qui leur dit de le faire. Est-ce qu'on les croit? On doit regarder le Coran, on doit regarder la Sunna, on doit regarder les paroles des ulama. Si leurs paroles allaient en concordance avec le Coran, la Sunna, les paroles des ulama, les paroles des sahaba, eh bien on dira que c'est vrai. Lakin, les attentats, c'est interdit en islam. Voilà qu'à l'homosexualité, qu'on entend en ce moment, on entend parler de ça, c'est interdit en islam. Nous, on a montré les versets du Coran qui prouvent l'interdiction de cette chose. On a montré beaucoup de hadiths qui montrent l'interdiction de cette chose. Et les paroles des sahaba qui montrent l'interdiction de cette chose. On a dit que tous les ulama, ils sont d'accord pour dire que celui qui fait cet acte, eh bien, il mérite une peine. Donc tout ça, ça prouve l'interdiction de cet acte qui est l'homosexualité. وأظن بهذا القدر كفاية وأسأل الله العظيم أن ينفع بما قلنا ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ الإسلام والمسلمين ويعز الإسلام والمسلمين ويدمر أعداء الدين ومن أراد بالإسلام سوء وشر فنسأل الله أن يكبته سبحانك الله بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.